C'est à Carey Price de nous amener là. Là, François Legault essaie de nous faire un Jack Layton avec vous autres au Boston Pizza. C'est là vraiment qu'il va commencer sa campagne électorale. Ouais, oui. Alors qu'il n'a pas vraiment commencé, mais on aura compris avec le communiqué de la CAQ que François Legault sera avec vous autres. Première des choses, comment tu te sens par rapport à un chef politique qui kidnappe quasiment ton événement? Non, c'est ça. Non, voir la game, tout le monde là. Est bienvenu, monsieur Legault le premier. Tu vois ça de même, là? Non, on se pose la question. Non, mais il va aller voir la game à quelque part. Je sais pas. Ah ouais. Ben, la meilleure place, c'est là, là, je crois. Non, mais il envoie un communiqué tout de même pour dire, hey, les amis, je m'en vais là. Oui, oui. C'est correct que Legault. Faut que je chante au Canada, par exemple. Qui veulent se coller à nous, c'est correct, là. Juste que, tu sais, je travaille avec Jérôme et Denis le matin. Tu sais, je vais me garder une réserve, là, sur un ancien péquet. Je me dis, je souhaite que le cœur de François soit avec le Canada pour vrai. Il l'a dit, hein, Go Canada. C'est bon, ça, oui. Mais Jérôme aussi l'a dit, on sait très bien qu'il prend pour les States. Non, mais, moi, là, vous dire les vraies choses, là, on va être franc, là. Trust no one. Comme le cigarette smoker dans les X-Files. Tu me fais confiance, j'ose espérer, là. Toi, oui, toi, tu prends pour le Canada mais pour sérieusement, vrai. J'ai pas retrouvé mon chandail de Crosby. Je sais pas, il est où. Je pense que j'étais le remené dans la cave. Dans la cave, chez nous, il y a une patinoire. en plancher flottant, mais j'ai tous mes chandails de hockey, avec, entre autres, un chandail de Brodeur de Vancouver, XXL, que j'ai jamais pu porter parce qu'il est trop grand, mais il est en spécial. Ouais. C'est pour ça que je l'ai acheté. Ouais.